Keith Hand, 3-3. Un invité non-ouvert. Ah, mais il est sans fil de drum, il est pas USB. Ah, ok, en mode practice. Avec le décalage. Du drum au jeu, il y a un petit décalage en mode practice. Mais pas pendant que tu joues, c'est ça qui est bizarre. deux drums qui jouent en même temps, ça me déconcentre. De toute façon, tu vois, il y avait un lag. On va laisser le vrai pour Bart. Être là-bas, on peut se faire tenter de quoi? Moi, j'avoue que lui, il y a des drums électriques, là, c'est du pad, là. Où on s'ajoute un drum de Rock Band 1. J'en avais un. Parce que genre, peut-être avoir un splitter au pire, pendant que je cherche, je te donne les écouteurs à Max. Ben, j'ai donné les écouteurs à Max. Ça, j'essayais de jouer en même temps que lui.